Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Robert et Miquecourt, Saint-Robert et Miquecourt, Donald Duc et Joda, Saint-Pierre et Miquel, on rigole bien, Donald Duc et Joda, Donald Duc et Joda. Petit Béotuc, tu as disparu. Petit Béotuc, dans les eaux glacées, que s'est-il passé? Tu t'es déguisé en Donald Duc pour courtiser. Ceinture sur ses copines, pour teaser tout court, alors que Saint-Pierre est mis. Yeah.